بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، c'est une occasion heureuse de pouvoir vous retrouver en ce dimanche 4 Jumad al-Oula de l'année 1439 de l'Hégire, afin de faire le septième et dernier cours, bi-idhnillah, de cette série de Al-Qawa'id al-Arba' du Cheikh al-Islam, al-Imam al-Mujaddid, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullahu ta'ala, wa ajzalallahu lahu al-ajra wa al-thawab. Donc, pour faire le dernier cours des quatre règles de l'imam, revivificateur de la religion de l'islam dans la deuxième moitié du XIIe siècle, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah élève ses degrés dans le plus haut du paradis, ainsi que tous les savants de la Umma, de la Salafia, les savants de la Sunna. On s'était arrêté dans la troisième règle, quand l'imam a commencé à citer les dalils, le dalil de Salihin, il a dit, وَدَلِيلُ الصَّالِحِينَ قَوْلُهُ تَعَالَى أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. الآية. Il a cité l'argument et le dalil concernant l'adoration des pieux, qui réside dans la parole d'Allah Azzawajal, dans le sens approximatif des sens, dans le sens approximatif du verset, ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Cheikh Mohamed Aman, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans le commentaire, « وَدَلِيلُ الصَّالِحِينَ قَوْلُهُ تَعَالَى أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ أَيْ يَدْعُونَهُمْ وَيَعْبُدُونَهُمْ هُمْ أَنفُسُهُمْ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ الَّذِينَ يَعْبُدُهُمُ الْعَابِدُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالصَّالِحِينَ هُمْ أَنفُسُهُمْ يَطْلُبُونَ الْقُرْبَ إِلَى اللَّهِ بأي شيء بالإيمان والعمل الصالح بأي شيء بالإيمان والعمل الصالح وكيف يعبد عبد يعبد الله فهم عبيد لله ويطلبون القرب من الله بعباداتهم وكثرة طاعاتهم. Il a dit par rapport au verset, ceux qu'ils invoquent, c'est-à-dire ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah Azzawajal, eux-mêmes, يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةِ. Eux-mêmes, ils cherchent à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ceux qui sont adorés en dehors d'Allah, dans le cas où ce sont des hommes pieux, eux-mêmes, ils cherchent à adorer Allah. Ils cherchent à adorer Allah Azzawajal, que ce soit parmi les anges ou parmi les hommes pieux. Eux-mêmes, ils cherchent les choses pour les rapprocher d'Allah Azzawajal. Et ils se rapprochent d'Allah avec quoi? Il a dit, rahimallah, avec la foi et les actes pieux. C'est avec ça qu'ils se rapprochent d'Allah Azzawajal. Avec la foi et les œuvres pieuses. Alors, comment adorer celui qui lui-même adore Allah? Ça, c'est une interrogation qui démontre leur égarement et leur contradiction. Ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah, eux-mêmes, ce sont des serviteurs d'Allah qui demandent à se rapprocher d'Allah, au mieux, avec leurs adorations et en multipliant les obéissances. وكيف يستحق العبد المسكين الذي يرجو رحمة الله ويخاف عذابه ويتضرع إلى الله لينجو من عذاب الله وغضبه ولينال رضاه وليشكره على التوفيق للعبادة. هؤلاء العبيد من الملائكة والأنبياء والصالحين لا يستحقون ولا يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم بل إنهم ينهون الناس عن عبادة أنفسهم. Il a dit comment le serviteur pauvre, comment le serviteur faible et pauvre qui espère lui-même la miséricorde d'Allah et qui craint lui-même le châtiment d'Allah et qui se soumet à Allah afin de le sauver de son châtiment et de sa colère et se rapproche d'Allah également pour gagner sa satisfaction et pour remercier Allah qui lui a facilité l'adoration. Cela, parmi les anges, parmi les prophètes ou les vertueux, ne mérite pas l'adoration. Et eux n'ont jamais appelé les gens à leur vouer une adoration, n'ont jamais appelé eux-mêmes les gens à les adorer. Au contraire, c'est eux qui interdisent et qui blâment les gens de les adorer, ou de manière générale de vouer une adoration à autre qu'Allah. Si ce sont des vertueux et des pieux, ils ne peuvent jamais ordonner autre que l'adoration d'Allah Azza wa Jal. وَهَذَا عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا رَأَ الْأَمْرَ أَمْرًا مُنْكَرًا وَادَّعُوا فِيهِ الْأُلُوهِيَّةِ أنكره ولما لم يمتثلوا أمره وإنكاره أجج ناره ودعا خادمه فألقاهم في النار وحرقهم. Et comme exemple, l'exemple de Ali رضي الله عنه. Ali, le quatrième des califes bien guidés, quand il a vu que les gens sont tombés dans une chose extrêmement blâmable, extrêmement grave, et ils lui ont attribué la divinité, ils l'ont divinisé, il a blâmé cela. Et quand ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas obéi à son ordre de délaisser cet égarement, il a alimenté un feu, et il a appelé son serviteur, et il les a jetés dans ce feu, il les a brûlés. Donc, ça c'est tiré d'un poème qui a été dit par Ali radiallahu anhu. Il a dit, لما رأيت الأمر أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا. Quand j'ai vu que l'affaire est extrêmement blâmable, j'ai allumé mon feu et j'ai appelé Qanbara. Qanbara, c'est un serviteur de Ali radiallahu anhu. C'est lui, parmi ceux qui se sont chargés de jeter ceux qui ont divinisé Ali radiallahu anhu, les suiveurs de Abdullah ibn Saba, ibn Sauda, ce juif qui a montré l'islam afin d'égarer les musulmans, de la même manière qu'il l'a fait Paul, qu'ils appellent Saint Paul, avec les chrétiens. Paul, c'est un juif qui n'a pas cru en Isa alayhi salam, qui n'a pas cru en Jésus Isa alayhi salam, mais il a montré le suivi de Isa pour égarer ses suiveurs. Et c'est lui le premier, comme il dit Cheikh l'Islam de Taymi rahimahullah, qui a prétendu que Isa est l'incarnation d'Allah Azza wa Jal. Comme vous savez, l'égarement des chrétiens au sujet de Isa alayhi salam est de plusieurs catégories. Il y en a qui disent qu'il est le fils d'Allah, wal-iyadu billah. Et Allah n'a pas été engendré. Et il y en a qui disent que c'est l'incarnation d'Allah. C'est l'incarnation d'Allah. En autre terme, c'est Allah sur terre, wal-iyadu billah. Et une troisième catégorie de chrétiens qui disent, ça c'est les évangélistes, ils disent que Isa n'est pas le fils d'Allah, ni l'incarnation d'Allah. Mais c'est la première créature qu'Allah a créée. Et une fois qu'Allah l'a créée, il lui a donné tout le pouvoir. Et c'est lui qui a tout créé après Allah. Yani Allah n'a créé que Isa. Et après tout le reste, c'est Isa alayhi salam qui l'a fait. Wal'iyadu billah, et ça c'est également, c'est un égarement et c'est une mécréance. Et malheureusement, vous trouvez que des soufis, ils ont cette même croyance. Ces mêmes trois croyances, vous les trouvez chez des soufis. Il y en a qui disent que c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a tout fait, qui a tout créé. Comme il a dit Al-Busiri, dans sa Borda qui comporte shirk. وَمِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضُرَّتُهَا وَمِنْ عِلْمِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. Il dit que c'est le prophète A.S. qui a donné le bas-monde et l'au-delà. Donc il n'a rien laissé pour Allah Azzawajal. Et d'autres qui ont la croyance de l'Ittihad, tels que Ibn Arabi, Al-Hatimi, Al-Zindiq, cet homme qui est vénéré et qui est vénéré en Syrie, qui croyait que Allah Azzawajal et toute sa création n'est qu'une seule entité. En réalité, c'est que tout ce que tu vois, c'est Allah. Et c'est pour ça qu'il a dit des paroles extrêmement graves que le musulman n'arrive pas à prononcer. Que dire de les croire au sujet d'Allah Azzawajal? Et l'égarement n'a pas de fin. Et les voies de l'égarement, comme vous le savez, sont multiples. Par contre, la voie de la vérité, elle est unique. La voie de la vérité, elle est unique. Il n'y a qu'une seule voie de la vérité. C'est la voie sur laquelle était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses nobles compagnons. Je ferme cette parenthèse. Ensuite, il a dit, وَإِنْ كَانَ هَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ عِظَمِ ذَنْبِهِمْ وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ لَمْ يُوَافِقُهُ عَلَىٰ الْإِحْرَاقِ كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولكن عليا اجتهد لشدة وعظم جرم القوم لأن القوم لئام قد يتظاهرون بالموافقة وهم يكذبون. Donc ça c'est un dalil clair sur l'égarement de ces gens-là. C'est un dalil clair sur l'égarement de ces gens-là. Yani qui ont divinisé Ali رضي الله عنه malgré que parmi les compagnons, c'est la phrase de Cheikh, Ba'du Sahaba, ou tous Sahaba. En réalité, c'est tous Sahaba n'ont pas été d'accord avec Ali, radiallahu anhu. Et parmi celui dont il nous a été rapporté qu'il n'était pas d'accord, c'est Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu. Car le Nabi, alayhi sallam, a interdit de châtier avec le feu, comme il a dit dans le hadith authentique, لا تعذبوا بعذاب الله لا تعذبوا بعذاب الله. Oh Allah, un homme de mémoire, il y a un hadith qui est plus explicite que celui-là, plus clair. Il est dit لا يعذب بالنار إلا رب النار. Il ne châtie avec le feu que le Seigneur du feu, qu'Allah Azza wa Jal. Et il a dit, il ne châtie pas avec le même châtiment qu'Allah, c'est-à-dire le châtiment avec le feu. Ce dernier, il est rapporté dans l'authentique de Bukhari. Donc, ils n'étaient pas d'accord avec Ali, radiallahu anhu, dans la manière de les châtier. Mais qu'il fallait le châtier, Sahaba étaient tous d'accord. Car c'est une mécréance claire et évidente. Mais Ali, radiallahu anhu, a fait son effort, car il n'avait pas connaissance de ce hadith dans lequel il y a l'interdiction de ce châtiment. Mais il a fait son effort, vu la gravité de leur péché. Car ces gens-là, ils ont prétendu le suivre. Et ils ont prétendu qu'ils étaient en accord avec lui, alors que ce sont des menteurs. هذه عادتهم من ذلك التاريخ من حين ظهروا إلى يومنا هذا. C'est leur habitude et leur coutume. Depuis leur apparition, Cheikh il parle de Rafida. Depuis leur apparition, c'est comme ça. ils montrent l'accord alors que ce sont des menteurs. وإن كانوا يتسترون بالتقية التقية نفاق أضيفت إليه ساء التقوى قالوا تقية وإلا فهو نفاق. Malgré que ils utilisent ce qu'on appelle التقية. التقية c'est montrer une chose contraire à ce que tu crois et croire que ceci est légitime et que ceci est pour une bonne raison. Par exemple, il ne va pas te montrer sa vraie croyance. Quand tu rencontres un rafidé de l'Irak, il sait que tu es parmi Al-Sunnah Al-Jama'a, il te parle comme s'il aimait également Sahaba, radiyallahu anhum, alors que c'est un menteur. Et ça, c'est une taqiyya qu'ils ont rapporté, soi-disant de leurs imams, qu'ils ont dit, il ne fait pas partie de notre religion celui qui n'utilise pas de taqiyya. Et taqiyya, en réalité, c'est une hypocrisie à laquelle ils ont rajouté un ta au début de taqwa, de la piété. Donc, elle n'a rien de la piété. C'est une hypocrisie et c'est le mensonge. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. Et la preuve sur toujours l'interdiction de l'adoration des pierres et des arbres réside dans la parole d'Allah dans le sens approximatif du verset. Que vous ensemble les divinités, Lat et l'Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre. Dans le Sharh al-Adi, rahimahullah, ودليل الأحجار والأشجار, ودليل الأشجار والأحجار, قوله تعالى, أفرأيتم اللات والعزى, ومنات الثالثة الأخرى, هذه سماها الشيخ الأشجار والأحجار. أما اللات أو اللات بالتشديد في الأصل ليس بحجر ولا شجر بل كان رجلا صالحا محسنا يطعم الحجاج وهو ساكن بالطائف وكان الحجاج الذين يجيئون من الجنوب يمرون بالطائف يلث لهم السويق فيطعمهم وكان يجلس بجوار حجر كبير. Il a dit, rahimahullah, le verset, أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Il a dit, Cheikh les a nommés les arbres et les pierres. Il a dit, par contre, اللات ou اللات, avec une chedda sur ta. Il a dit, c'est pas une pierre, ni un arbre. En réalité, Lat, c'est pas un arbre, ni une pierre. Mais c'est un homme pieux, qui, avant l'islam. C'est un homme pieux avant l'islam, qui, qui faisait du bien envers les pèlerins. Il habitait dans la région de Taif. Il habitait dans la ville de Taif. Et quand les pèlerins, ils venaient pour faire le Hajj, bien sûr, ça c'est avant l'islam. Ils venaient du nord, du côté du nord de l'Kaaba. Et ils passaient par Taif. Encore aujourd'hui, ceux qui viennent faire le Hajj, venant ou bien du sud de l'Arabie Saoudite ou venant du Yémen, ou de ces côtés-là, ils passent par Taif. Et lui, il accueillait les pèlerins qui passaient par chez lui et il leur préparait à manger. il leur préparait ce qu'on appelle sawir. Sawir, c'est du blé, c'est comme de la farine cuite, et on lui rajoute du beurre ou de l'huile. C'est ça, sawir. C'est que de la farine, et quand il a cuite, et il lui rajoute de l'huile ou du beurre, quelque chose de gras. On lui rajoute quelque chose de gras. Et ce plat, il se fait encore aujourd'hui, c'est le Madina. Et il lui rajoute, en plus de ça, il lui rajoute des dattes. Donc, c'est là, c'est cet homme-là. Il nourrissait les pèlerins. Et il s'asseyait à côté d'une grande pierre. Quand il est mort, les gens de Taif, c'est-à-dire Saqif, les habitants de Taif, ce sont Saqif. Ils l'ont adoré. Et ils ont exagéré à son sujet. Et avec le temps, ils sont passés de son adoration à lui à l'adoration de la pierre sur laquelle il s'asseyait souvent. À côté de laquelle il préparait Sawir. C'est comme ça que, c'est comme ça l'origine de cette adoration, l'adoration de Lat. Et donc ça, c'est la divinité de Saqif, les gens de Taif. Amma Uzza, فهو عبارة عن غابة فيها شيطانة جنية وهي التي كان يعتز بها أبو سفيان قبل أن يكرمه الله بالإيمان وصحبة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. العزة la deuxième divinité qui est citée dans le verset, c'est une شيطانة, c'est une جنية شيطانة, يعني cette شيطانة elle était dans un arbre. Elle était dans un arbre. Donc, l'Uzza, c'est un arbre. Un arbre. Mais ce qui était adoré, c'est Shaitana. Comme dans l'histoire de Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu, quand il l'a envoyé le Nabi alayhi sallam pour couper cet arbre. Et quand il l'a coupé, il est revenu, il lui a dit, tu l'as coupé, il lui a dit oui. Il lui a dit, qu'est-ce que t'as vu? Il lui a dit rien. Il lui a dit, alors tu l'as pas encore coupé, comme il faut. Et il a recommencé une deuxième fois, et cette fois, il a vu une femme, noir. Et il l'a tué. Et après, il a raconté ça au prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, maintenant, tu as mis ta bien fait. Yani, c'est cette shaitana qui était dans cet arbre-là, et qui parlait aux gens. Et Abu Sufyan, avant l'islam, avant qu'il entre dans l'islam, il se vantait avec l'Uzza. Et ça, c'est dans l'histoire de la bataille de Uhud. Il disait aux compagnons, radiallahu anhu, qui étaient avec le prophète, alayhi sallam, « Lana l'Uzza wa la Uzza lakum. » Nous, on a l'Uzza, et vous n'avez pas de Uzza. Et le Nabi, alayhi sallam, il a dit aux compagnons, « Répondez. » Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va répondre au messager d'Allah? Dans une version, c'est Omar radiallahu anhu qui l'a dit. Le prophète alayhi sallam leur a enseigné. Il leur a dit, Qulu, Allahu maulana, wa la maula lakum. Dites, Allah est notre maître. Allah est notre maître, et vous n'avez pas de maître. Ou Allah est notre allié, et vous n'avez pas d'allié. Wal'uzza li Quraysh. ولما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهدم البناء الذي كان هناك وقطع الشجرة والغابة فعل ذلك خالد فرجع فأخبر. Ensuite, Cheikh a cité l'histoire de Khalid radiallahu anhu, Khalid ibn al-Walid, quand il a coupé cet arbre avec cette shaitana, cette vieille femme noire, et il l'a tué. وأما منات ففيما بين مكة والمدينة وكانت تراق الدماء هناك فالحجاج في طريقهم إلى مكة يذبحون عند منات لِذَٰلِكَ سُمِّيَتْ مَنَاتْ. Par contre, la troisième divinité citée dans le verset, qui est Manat, elle se trouvait entre Mecca et Medina. Entre Mecca et Medina. Et à cet endroit-là, c'est à cet endroit-là que les pèlerins sacrifient et immolent leurs bêtes. C'est pour ça qu'on l'a appelé Manat. Manat, Mina Al-Munia. Là où on immole les bêtes. Et encore aujourd'hui, on est dans le pèlerinage, les bêtes sont immolées à Mina. À Mina. فهذه كلها في واقعها شياطين تعبد قد تكون هناك أشجار أو أحجار أو غابة أو بناء البناء طبعا يتكون من الأشجار أو من الأحجار ولكن في الواقع الذي يعبد هو الشيطان أو الجني donc il a dit rahimahullah tout ça en réalité ce sont des شياطين qui sont adorés. Ce sont des chayatines qui sont adorées. Il peut y avoir des arbres ou des pierres ou des forêts ou des constructions. Mais ce qui est adoré, en réalité, c'est Shaitan. C'est le djinni qui a ordonné cette adoration. C'est lui qui est adoré. C'est pas cette pierre-là qu'on voit nous, ou cet arbre, ou cette construction sous forme de mausolée, comme il est répandu de nos jours. Qu'Allah purifie la terre de toute forme de shirk. Et ça, c'est une saïda immense à retenir, qui est que toute adoration vouée à autre qu'Allah, c'est une adoration de shaitan en réalité. C'est une adoration de shaitan. Comme dans Surat Yassin, dans le verset, « Alam a'ad ilaykum ya bani adama an la ta'budu shaitan » Allah Azza wa Jal nous a ordonné de ne point adorer le shaitan. Les savants ont dit, car toute adoration vouée à autre qu'Allah, c'est une adoration de shaitan. Car c'est lui qui l'a ordonné. C'est lui qui a ordonné cette adoration. Donc, de la même manière également, toute désobéissance à Allah, c'est une obéissance au shaitan. Toute désobéissance à Allah, c'est une obéissance au shaitan. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث donc le dernier dalil qui est cité dans cette troisième règle et vous voyez subhanallah cette risala en quelques pages deux pages même pas trois pages le nombre de dalils que l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité. Et ça, c'est une éducation pour nous tous à apprendre à suivre dalil et prendre notre religion avec dalil. Dans le hadith de Abi Waqid al-Layfi, radiyallahu anhu, il a dit nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Hunayn, c'est-à-dire pour la bataille qui s'est déroulée à un endroit qui s'appelle Hunayn. Alors que nous nous étions convertis que depuis, ou nous nous étions entrés dans l'islam que depuis peu de temps. Donc ici, Sahabi radiallahu anhu, il cite l'excuse pour ceux qui sont tombés dans cette chose-là. C'est qu'ils étaient, ils sont entrés en islam depuis peu de temps. Car comme vous savez, la bataille de Uhud a eu lieu peu de temps après la conquête de Mecca. Après la conquête de Mecca, peu de temps après, a eu lieu la bataille de Hunayn. Et ensuite il a dit, Al-Mushrikin avait un jujubier, une sidra. Sidra, c'est le jujubier, auprès duquel ils se recueillaient, et auquel ils accrochaient leurs armes, qu'on appelle Zatu Anwat. Anwat, c'est-à-dire qu'ils accrochent leurs armes sur cet arbre, afin de demander le baraka. Ils accrochent l'arme sur l'arbre, en croyant que cet arbre est béni. Il rend les armes plus aiguisées et plus fortes. Et ensuite, il a dit, radiallahu anhu, ensuite nous sommes passés auprès d'un arbre, et on a dit, ô messager d'Allah, donne-nous une zatu anwat, comme les mouchriquins ont une zatu anwat, jusqu'à la fin du hadith. Cheikh Mohamed Amar, rahimallah, dit dans le sharh, حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث يعلقون عليها أسلحتهم تبركا بهذه السدرة ويعتقدون أن الأسلحة إذا علقت بهذه السدرة المباركة بزعمهم أنها سوف تصيب وتكون فيها بركة. Donc ils sont passés par un jujubier et les mouchriquins, les polythéistes avaient un jujubier sur lequel ils accrochaient leurs armes, en cherchant la bénédiction dans l'arbre, et en croyant que les armes, une fois accrochées sur cet arbre béni, selon eux, elles atteignent le but, et quand ils frappent avec, elles tuent, et elles deviennent bénies, yani fortes, puissantes, tout ça, qui était appelé Zatu Anwat, car ils accrochaient les armes sur cet arbre. فَمَرَرْنَا بِالسِّدْرَةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ. Ils sont passés par un jujubier, est-ce que c'est le même ou c'est un autre? Est-ce que c'est le même? Ou c'est un autre? Il y a des savants qui ont dit c'est le même. D'autres savants ont dit non, c'est un autre jujubier. C'est pas le même qu'avaient les polythéistes. En tout cas, Nabi alayhi salam, quand ils lui ont demandé ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Allahu Akbar, innaha sunan, kultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israel, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, qala innakum qawmun tajhalun, latarkabunna sanan man kana qablakum. Nabi alayhi salam a dit Allahu Akbar. Allahu Akbar avec la colère, comme vous savez, Allahu Akbar, ça se dit suite à un étonnement. Quand tu es étonné, tu dis Allahu Akbar. Et ça se dit également suite à une colère, comme ici. Ou tu peux dire les deux. Ici, c'est pour l'étonnement de leur demande et pour la colère suite à leur demande. Ensuite, Nabi alayhi salam leur a dit, inna as-sunan, qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israila, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, qala innakum qawmun tajhaloun. Vous avez dit, comme ils ont dit le fils d'Israël, comme ils ont dit à Moussa alayhi salam, ils lui ont dit, désigne-nous une divinité, comme ils ont une divinité. Il a dit, Moussa alayhi salam, vous êtes des gens ignorants. Ça, c'est la demande des gens ignorants. Et l'histoire de cette demande, elle est rapportée dans le Tafsir. Elle est rapportée dans ses versets que les fils d'Israël sont passés par des gens qui adoraient un veau. Et ils ont demandé à Moussa alayhi salam de leur désigner une divinité pour l'adorer comme ces gens-là, ils ont une divinité qu'ils adorent, en dehors d'Allah. Et ça, c'est l'ignorance. Donc, regardez comment Nabi alayhi salam à comparer la demande de désigner un arbre afin d'accrocher les armes sur cet arbre-là et de tirer le baraka, il a comparé ça, il l'a fait similaire, il a jugé similaire à la demande des fils d'Israël qui ont demandé une divinité pour l'adorer. Cheikh Adi Hafidhahullah, rahimahullah, انظر الى هذا الانكار الشديد. القوم لم يريدوا ان تكون السدرة الها يعبدونه ولكن ارادوا ان تكون لهم سدرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون بسدرتهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وشبه عملهم بعمل بني اسرائيل الذين طلبوا ان تكون لهم آلهة. Regarde ce blâme fort de la part du prophète عليه الصلاة والسلام. Les gens, c'est-à-dire ceux qui étaient avec les compagnons, radiallahu anhum, ils n'ont pas demandé, ils ont demandé une sidra, un jujubier, pas pour l'adorer, mais uniquement pour chercher la bénédiction dans cet arbre-là, comme le font les associateurs et les polythéistes. Mais Nabi Isa al-Salam a fait s'écrire et a comparé leurs demandes, leurs actes, il les a comparés à l'acte des fils d'Israël qui ont demandé une divinité, carrément. Les fils d'Israël ont demandé une divinité, alors que ses compagnons ont demandé juste un arbre pour tirer le baraka, pas pour l'adorer. وإن كان هؤلاء عندما يعلقون أسلحتهم بالسدرة تبركا عبارة عن طلب شفاعة أو وساطة لا يقصدون فيها النفع والضر ولكن تكون ذريعة على المدى البعيد. Il a dit, rahimahullah, malgré que leur demande, c'est juste un arbre sur lequel ils voulaient accrocher leurs armes afin de tirer al-baraka, afin de tirer bénédiction. C'est comme demander quelque chose qui sera intermédiaire, qui sera comme un intermédiaire. Ils ne croient pas que cet intermédiaire rapporte, ni le mal, rapporte le bien, ou repousse le mal. Il ne croit pas cela. Mais ça sera une porte vers le mal avec le temps. Quand il viendra, quand ceux-là vont décéder, فَإِذَا مَاتُوا وَجَاءَ أَوْلَادُهُمْ وَأَحْفَادُهُمْ فَقَدْ تُعْبَدْ لِأَنَّ مَنْ يَأْتُونَ يَظُنُّونَ أَنَّهَا مَا تُرِكَتْ إِلَّا مِنْ أَجْلِ الْعِبَادَةِ. Quand ceux-là vont mourir, leurs descendants vont l'adorer, car ils vont croire que cet arbre n'a été désigné que pour qu'il soit adoré. لذلك عظم النبي عليه الصلاة والسلام الأمر ونهاهم نهيا شديدا أي لا يجوز أن يتشبه المسلمون بالمشركين ويتخذوا أشجارا أو قبورا أو بناء يتبركون به. C'est pour ça que le Nabi عليه الصلاة والسلام les a blâmés d'une manière très forte, afin que les musulmans ne ressemblent jamais aux polythéistes en prenant des arbres ou des tombes ou des constructions telles que les mausolées ou autres dans lesquelles ils cherchent la baraka, ils cherchent bénédiction. لأن البركة معناها الزيادة والنماء. البركة, qu'est-ce que ça signifie? البركة, elle est prise du mot birka. Le birka, c'est le lac. Et le baraka, ça signifie que le bien augmente et se multiplie. La multiplication du bien et son augmentation. C'est ça la signification de l'baraka. وهي من عند الله. Et d'autres savants ils citent également parmi les sens de l'baraka, l'istiqrar. Car le lac, il garde l'eau. Donc l'baraka, c'est également que le bien perdure et reste. Augmente et reste. وهي من عند الله الذي يبارك للعباد في أعمالهم وفي أعمارهم وفي أموالهم وأولادهم. البركة البخوبين الله الله تلوي تبارك في بخصائص في القرآن تبارك الذي بيده الملك. تبارك c'est un attribut d'Allah. En notre terme, c'est une description d'Allah. Tabarak, c'est celui qui donne baraka. Et Allah, il est le seul qui est tabarak. Tu n'as pas le droit de décrire quelqu'un parmi les créatures par tabarak. Mais tu dis mubarak. Al-abdu mubarak. Wallahu tabarak. Al-abd, le serviteur, est béni. C'est Allah qui a placé la bénédiction en lui. Que ce soit dans ses actes, ou dans ses paroles, s'il parle avec les paroles de la sunna, et les paroles de tawhid, ses paroles sont bénies. Allah a mis le baraka dans ses paroles. Et dans ses actes, il prie, il donne zakat, il jeûne, il fait le hajj. Toutes les adorations qu'Allah a ordonnées sont mubaraka, sont bénies. Donc Allah il place la bénédiction dans les actes du serviteur, dans sa vie, dans ses biens, dans ses enfants. C'est Allah qui le fait. وَهَذِهِ الْجَمَادَاتِ لَا تَمْلِكُ مِنَ الْبَرَكَةِ شَيْئًا. Et ces objets immobiles ne détiennent pas la baraka, ne détiennent rien de la baraka. بَلْ يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى اعْتِقَادِ النَّفْعِ فِيهَا وَأَنَّهَا تَنْفَعُ بِبَرَكَتِهَا وَبِشِرِّهَا. Mais en plus, pire encore, c'est de ne pas prendre ces choses-là pour des causes. En les faisant, Allah va nous donner le baraka. Mais ça peut, Shaitan peut mener petit à petit les serviteurs jusqu'à croire que ces choses-là possèdent le baraka elles-mêmes. Et c'est elles-mêmes qui donnent le baraka. C'est elles-mêmes qui donnent le baraka. Et bien évidemment, ça, c'est la grande mécréance. C'est l'associationnisme majeur. وهذا الذي وقع فيه كثير من المسلمين المتأخرين في هذا الوقت فيبدأون بتعظيم واحترام الصالحين وخصوصا من آل البيت ويصل بهم الأمر أخيرا إلى عبادتهم والحلف بهم والنذر لهم والطواف بأضرحتهم. هكذا شدد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر لهذا الغرض. وما أكثر ذات أنواط في كثير من الأقطار ومن الأشجار والأحجار التي يصبون عليها السمن. Donc il a dit, rahimahullah, et beaucoup parmi les musulmans sont tombés dans ce qui a été décrit précédemment. Ils commencent par vénérer et respecter les vertueux, et surtout parmi la famille du prophète alayhi salatu wassalam, pour finir avec leur adoration, les adorer. Ils commencent par les respecter, les aimer, les vénérer, et ils finissent par leur adoration. Wal'iyadu billah. Comme juré par eux, ils jurent par des créatures, et comme leur faire des vœux, et des adorations, et comme faire tawaf autour de leur mausolée. C'est pour ça que le Nabi alayhi salatu wassalam a blâmé d'une manière forte cette chose-là. Et ensuite, Cheikh rahimahullah dit, et combien sont nombreuses les dhatu anwat à notre époque dans plusieurs pays, que ce soit des arbres ou des pierres, sur lesquelles les gens versent du beurre. Et il masse de l'arbre ou la pierre avec le beurre ou avec l'huile, tout ça en cherchant la bénédiction de cet arbre-là ou de cette pierre. ففي كثير من البلدان كل مسافر ومار بشجرة أو حجر أو لوحة يجلس تحتها لا بد أن يصب السمن عليها وبعد ذلك يعبر. Dans beaucoup de pays, dit Rahimallah, le voyageur, quand il passe par ces pierres-là ou par ces arbres-là, qu'ils prétendent être bénis, obligés il doit verser du miel, il doit verser du beurre ou de l'huile afin de chercher le baraka de cette chose-là, de cet objet. Et ensuite, seulement il passe, il traverse. وياتي الثاني ويفعل مثل ما فعل الاول فتكون ذات انواط يتبركون بها مثل ما فعل المشركون بل وربما قصدوا في سفرهم هذا الطريق تاركين الطريق الطرق الاخرى التي ليس فيها مثل هذه الاشياء التي يتبرك بها. Et c'est de cette manière que beaucoup font exactement la même chose que les polythéistes, en prenant des arbres ou des pierres qu'ils prétendent être bénis, yani ils font ces choses-là autour d'elles. Il a dit, rahimallah, même pire, il y en a qui peuvent choisir une route exprès, parce que sur cette route, il va croiser un arbre soi-disant béni ou une pierre soi-disant bénie. Il délaisse les autres routes. Les autres voies, il prend exprès cette voie-là pour, soi-disant, faire cette adoration. Wal'iyadu billah. Fa'idhan al-murur bi-hadhihi al-tariq alladhi fihi hadhihi al-ashya'u allati yutabarraku biha maqsoodun li-dhatih. Wa hadha ma 'alayhi kathirun min al-muslimin. Wa hadha ma 'alayhi kathirun min al-muslimin al-yawm. Wa hum yusallun wa yasumun. ولكن الجهل قد يوقعهم في مثل في هذا الأمر إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أمرهم لما كانوا قريب عهد بالجاهلية طلبوا هذا الطلب فما بال الذين يعيشون بعيدين عن العلماء وعن أهل العلم لا أحد يبين لهم عظم التوحيد وخطر الشرك ويتخبطون أحيانا يشركون وأحيانا يوحدون وإذا ذكرت لهم النصوص نصوص الوعد والوعيد رأيتهم يتأثرون وإذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله وإذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله يتأثرون ويبكون وإذا ذكر عذاب الله تأثروا بذلك وإذا قاموا من عندك وقعوا في الإشراك بالله إما بأنواع من الشرك الأكبر أو الأصغر. Il dit, rahimahullah, et c'est donc choisir cette route exprès, yani, c'est voulu pour soi-même. C'est voulu pour croiser cet arbre et chercher bénédiction dans cet arbre-là. Et malheureusement, beaucoup de musulmans sont sur cette pratique de nos jours. Malgré qu'ils jeûnent et qu'ils prient, mais l'ignorance les fait tomber dans des choses comme ça. Si les compagnons de notre noble prophète, alayhi salatu wassalam, qu'Allah les agrée tous, ceux qui étaient proches de la période anti-islamique et qui venaient d'entrer dans l'islam, ils ont demandé cette demande. Alors, que dire de des gens de notre époque qui sont loin de la science, loin des hommes de science? Personne n'est là pour leur montrer le tawhid et les mettre en garde contre Shirk. Pourquoi ils ne tomberont pas dans des choses comme ça, et pire encore? Des fois, il a dit, rahimallah, tantôt, ils donnent à Allah des associés. Tantôt, ils tombent dans l'associationnisme. Et tantôt, ils unifient Allah. Quand tu leur cites les textes dans lesquels il y a la promesse d'Allah et la menace, tu trouves qu'ils sont touchés. Quand tu cites notre prophète, alayhi salatu wassalam, et tu cites sa description, tu cites ses règles de politesse, alayhi salatu wassalam, et son comportement, quand tu parles de tout ça, tu trouves qu'ils sont touchés. Et ils pleurent. Et quand le châtiment d'Allah est cité, ils sont touchés également. Mais quand ils quittent ton assise, tu les trouves, yani qu'ils tombent dans l'associationnisme, wal'iyadu billah, que ce soit dans l'associationnisme majeur ou mineur. Et la cause, il poursuit, rahimallah, de ça, c'est l'ignorance. Il n'y a pas autre cause, c'est l'ignorance. Ils n'ont pas des cœurs démolie, remplie avec la mécréance. Mais l'affaire, c'est dans leur ignorance. Ils ignorent le tawhid et son importance. Ils ignorent le shirk et sa gravité. C'est pour ça que le devoir des demandeurs de science, c'est de faire de leur maximum pour sauver ces gens-là avec la science. Il n'y a rien qui puisse les sauver, bien évidemment, comme cause, sauf la science. Car ce qui les fait tomber dans ces choses-là, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Et parmi, ensuite il dit, rahimahullah, et parmi les plus grandes causes de leur ignorance, ce sont les hommes de science de l'égarement, les savants de l'égarement. Ces savants de l'égarement qui leur embellissent ces choses-là et qui les approuvent dans ces pratiques et qui leur expliquent cette pratique-là par l'amour des vertueux et la vénération des vertueux. Ils leur expliquent le shirk qu'ils commettent, ils leur disent ça c'est l'amour des vertueux, et c'est la vénération des vertueux. Et encore, ils disent du mal des prêcheurs de la vérité, des prêcheurs de tawhid qui essayent de réformer les croyances des gens, et de réformer leurs adorations. Ils leur font du mal, et ils se moquent d'eux devant les awam. Devant les communs des musulmans, ils se moquent d'eux. Wallah al-musta'an. Voilà par rapport à la troisième règle. Ensuite, dans la quatrième règle, il a dit, rahimahullah, al-qa'ida sur-rabi'a, anna mushriki zamanina, أغلظوا شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركوا زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. La quatrième règle et la dernière dans cette risala, qui est en quelque sorte un résumé de Kitab Kashf al-Shubuhat, que nous ferons plus tard, bi'idhnillah, qui te permet de connaître les ambiguïtés des associateurs et comment les réfuter, et de connaître l'importance de Tawhid également. Dans la quatrième règle, il a dit, rahimahullah, c'est que les polythéistes de notre époque sont coupables d'un polythéisme pire que celui des anciens. Car les anciens n'associaient Allah ou n'associaient... Car les anciens n'associaient à Allah qu'une période de prospérité. Par contre, en temps de difficulté, ils adorent Allah. Exclusivement. Quant aux polythéistes de notre époque, ils associent Allah constamment, que ce soit en période de prospérité ou de difficulté, que ce soit en période d'aisance et de facilité ou en période de difficulté. Ceci est cité dans le verset, dans le sens approximatif. Quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah, lui vouant exclusivement leur culte. Une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer, en les ramenant sur la terre ferme, voilà qui lui donne des associés. Voilà qui lui donne des associés. Voilà qu'il donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Sharh, il a dit, rahimahullah, les associateurs de notre époque, leur shirk est pire que le shirk des associateurs premier. هكذا يقول الإمام الذي ظهر بهذا التجديد في القرن الثاني عشر Il dit, c'est comme ça que dit cet imam qui est venu avec une revivification de l'islam dans le douzième siècle. بعد سفر طويل لطلب العلم وتحصيله في المدينة ثم في العراق ورجع إلى بلده للدعوة إلى الله وإخراج الناس من ظلمات الجهل والشرك إلى نور العلم والتوحيد. Après un long voyage dans la demande de science, dans lequel il est parti à Médine, où il a demandé la science, ensuite il est parti en Irak, où il a demandé également la science, et ensuite il est revenu dans sa région, afin d'appeler les gens au tawhid et de les faire sortir des ténèbres, de l'ignorance et de l'associationnisme vers la lumière de la science et de l'unicité d'Allah. Et dans le pays, la péninsule arabique, dans le pays, il y avait plusieurs formes de shirk. Il y avait l'adoration des palmiers, l'adoration des tombes, l'adoration des djinns. Et parmi les formes les plus graves et les plus accentuées dans le mal de shirk qu'il y avait, c'est les formes qui se trouvaient dans la région de Najd, dont il était originaire, l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Il dit, rahimahullah, anna mushriki zamanina aghladu shirkan min al-awwalin. Les associateurs de notre époque, leur associationnisme est pire que l'associationnisme des premiers, car les premiers associaient seulement dans l'aisance. Mais dans la difficulté, ils vouaient un culte sincère à Allah. Contrairement aux associateurs de notre époque, leur associationnisme est constant et permanent, que ce soit dans l'aisance ou dans la difficulté. Et peut-être, il dit Cheikh Mohamed Amar, rahimallah, peut-être que leur associationnisme dans la difficulté est pire encore que leur associationnisme dans l'aisance. وَالرَّبُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَصِفُ الْمُشْرِكِينَ الْأَوَّلِينَ فَيَقُولُ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. Allah عز وجل a décrit les premiers associateurs. Il a dit, quand ils montent dans le bateau, ils invoquent Allah. On lui voit un culte exclusif. لأنهم يعلمون أن آلهتهم التي تركوها في البر لا تنفعهم وهم في البحر. Car ils savent pertinemment que leur divinité qu'ils adoraient sur la terre ferme, ne peut pas les sauver dans la mer. Et elle ne peut pas les sauver ni dans la mer, ni sur la terre ferme, dans le cadre de la difficulté et de la détresse. Quand ils sont en difficulté, ils savent que le seul qui peut les sauver, le seul qui puisse les sauver, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah nous a cité comment ils étaient une fois dans le bateau, alors que eux, au fond d'eux, ils savaient que ces divinités ne peuvent être profitables, ni bénéfiques, ni dans la mer, ni sur terre ferme. Mais comme beaucoup d'entre eux disaient, ils prenaient ces divinités comme intermédiaires entre eux et Allah. Même Hubal, comme vous le savez, entre parenthèses, Hubal, la plus grande des divinités des Arabes, la plus grande et la plus vénérée de toutes les divinités des Arabes. Même ce Hubal, eux-mêmes, ils disaient dans leur talbiya, « Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, illa sharikun huwa lak, tamliku huwa ma malak. » Tu n'as point d'associé, ils faisaient talbiya avec tawhid. Jusqu'à la fin, ils rajoutent en disant, sauf un seul associé. Tu n'as point d'associé, ensuite ils disent, sauf un seul associé qui t'appartient, lui, ainsi que tout ce qu'il possède. C'est une contradiction, et ne vous fatiguez pas à essayer de comprendre. Tu n'as point d'associé, sauf un seul associé. Et cet associé, il t'appartient, lui, ainsi que tout ce qu'il possède. Comment ça peut être un associé alors ? Comment ça peut être un associé à Allah? Mais comme Allah nous a dit d'eux, dans beaucoup de versets, ces statues et ces divinités, ils ne les adoraient que pour les rapprocher d'Allah. Contrairement à ce qu'on voit chez les associateurs de notre époque qui se disent musulmans et qui prient et qui jeûnent et qui croient qu'autre qu'Allah gère l'univers à la place d'Allah Azza wa Jal. Wal'iyadu billah. فإذا جاءت الشدة والكرب من الغرق وغيره لا تنفعهم تلك الآلهة من اللات والعزى ومنات وهبل لذلك لا يدعونها. Quand donc Allah Azza wa Jalla dans ce verset il nous a décrit comment ils sont dans le bateau, quand ils montent en bateau, comment ils étaient, car dans le bateau l'état de détresse et de difficulté est plus grand. Ils savent bien au fond d'eux, ils savent d'une manière pertinente que ces divinités ne peuvent pas les sauver si jamais ils se noient. C'est pour ça qu'ils n'appelaient pas leur divinité. Ils s'adressaient uniquement à Allah. Et ils lui demandent avec sincérité. Car ils savent qu'il est le seul capable de les sauver. فَلَمَّا نَجَّهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Mais une fois qui sont ramenés sur la terre ferme, qu'Allah les ramène vers la terre ferme, voilà qui lui donne des associés. Voilà qui lui donne des associés. Donc ça, c'était les premiers associateurs. Les associateurs d'avant l'islam. Ils étaient comme ça. Il est rapporté dans un hadith faible que le Nabi alayhi sallam a rencontré un homme parmi Al-Kuffar, parmi Quraysh. Et il lui a dit, oh un tel, combien t'as de divinités? Il lui a dit 7, 6 sur terre et 1 dans le ciel. Et 1 dans le ciel. Celui dans le ciel, il veut Allah Azza wa Jal. Il lui a dit, Nabi Aïssa Salam, le hadith et les femmes. Il lui a dit, laquelle de ces divinités tu t'adresses quand t'es dans une détresse et dans une difficulté? Il a dit celui qui est dans le ciel. Il a dit alors délaisse les autres et adore seul celui qui est dans le ciel. Ça vous montre un petit peu comment ils étaient. Ils savaient que le seul capable de les aider, de les sauver, de repousser le mal d'eux, c'est Allah Azza wa Jalla. Et pourtant ils donnaient des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. ومشركي زمان المجدد ومشركي زماننا نحن أشد شركا ولا يعرف حالهم إلا من ركب معهم الفلك فإنه يجدهم يقولون يا الله حتى في حال الخوف من الغرق بل يعتقدون أن في البحر شيخا ووليا خاصا يحفظ البواقر والسفن التي في البحر لذلك يدعونه شيخ البحر وولي البر. Par contre, les associateurs de notre époque et de l'époque de l'imam revificateur Mohammed bin Abdel Wahhab, leur associationnisme est pire que celui des anciens, des premiers associateurs. Et il ne connaît comment ils sont que celui qui est monté avec eux en bateau. Il trouve que même quand il se noie, il ne s'adresse pas à Allah Azza wa Jalla. Mais ils s'adressent à ce qu'ils appellent Cheikh al-Bahr, le Cheikh de l'Bahr, celui qui gère l'Bahr parmi les alliés, les saints, soi-disant. Et quand ils sont en terre ferme, ils ont d'autres chouyours qui les sauvent également sur terre. Il a dit, rahimallah, na'am ra'aytu bi'ayni wa sami'tu bi'udhuni dhalik, kidna ala al-gharq, wa kanat as-safinatu tattarib, wa idha attarabat khafa al-rukab. والكل يجأر لم نسمع أحدا يجأر بسم الله يا الله وإنما يجأرون يا أهل الله يا ابن علوان كنا في بحر جدة ومجأرون يا ابن علوان يا شيخ البحر يا شيخ فلان لم نسمع أحدا يقول يا الله شيخ اللي رحمه الله qu'il a vu ça de ses propres yeux et qu'il l'a entendu avec ses propres oreilles. Ils ont failli se noyer dans son voyage. Il a dit on n'était pas loin de Jeddah, de la ville de Jeddah, en Arabie Saoudite, en bateau, et on a failli se noyer. Et je n'ai pas entendu une personne qui dit « Ya Allah ». Mais il disait « Oh, Ibn Ilwan ». Cet homme qui croit qu'il est le cheikh de la mer, celui qui gère la mer, à qui Allah a donné le pouvoir de gérer la mer. Wal'iyadu billah. Il a dit, je n'ai pas entendu un seul dire ya Allah. هذا مني وممن سمع مثلي من بعض الثقات الذين سافروا سفرا طويلا في البحر وخافوا من الغرق لم يحصل من أولئك دعوة الله واللجوء إلى الله. Il a dit, ça c'est une chose, c'est quelque chose qui m'est arrivé à moi. Et j'ai entendu de certains frères dignes de confiance également qui ont fait des longs voyages. Ils m'ont rapporté la même chose que quand ils ont eu peur de la noyade, ils se sont orientés vers autre qu'Allah et non pas vers Allah Azza wa Jal. Donc ça arrive à des gens qui se disent musulmans, ils associent Allah avec ignorance. Donc leur associationnisme est plus grave de ce point de vue. Notez bien, leur associationnisme est plus grave de ce point de vue. Car ils s'orientent vers Allah, ils ne s'orientent pas vers Allah, ni dans l'aisance, ni dans la difficulté. À titre d'exemple, quand il n'arrive pas dans la difficulté, il n'arrive pas à avoir un enfant, il va sacrifier pour le mausolée, pour que le saint lui donne un enfant. Ou, dans l'aisance et dans la facilité, quand il fait le hajj et il revient, il remercie le mausolée et le saint qui est dans le mausolée en lui sacrifiant une bête, encore une fois. Donc, de ce point de vue, leur associationnisme, l'associationnisme des contemporains est pire que l'associationnisme des anciens. Mais, on ne dit pas que leur associationnisme est pire de tous les points de vue. Attention, on ne dit pas que les contemporains sont pires que les anciens de tous les points de vue. Ceci n'est pas accepté. Et ceci n'est pas voulu par Cheikh, c'est-à-dire Cheikh Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab. Mais les anciens, ils ont nié la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont fait du mal. Et ceux-là, ils ont cru en lui. Les contemporains ont cru en lui et en son message de manière globale, avec tout ce qu'il est venu de manière globale. Mais avec ignorance. Avec ignorance. Ils croient au Coran. Alors que les autres, ils ne croyaient pas au Coran. Et ceux-là, ils croient au jour de la résurrection, après la mort. Alors que les autres ne croyaient pas en cela. Ils croient à la rétribution et au châtiment. Et ils croient au paradis, en enfer. Donc tous ces points font qu'ils sont moins pires que les anciens. Mais de ce point de vue qu'il a cité, rahimallah, qui est d'associer Allah dans la facilité, dans la difficulté, ils sont pires que les anciens. Car les anciens, ils n'avaient pas cette chose-là. Donc, il poursuit en disant, quand Cheikh dit, les associateurs de notre époque, sont leur associationnisme et polythéisme est pire que celui des anciens. يعني ويخص بذلك الدعاء أي أنهم عند الدعاء قد يدعون غير الله بالرخاء والشدة بينما المشركون الأولون إنما يدعون غير الله في حال الرخاء. يعني ceci est spécifique à l'invocation, car les associateurs de notre époque, ils invoquent autre qu'Allah dans la facilité comme dans la difficulté, alors que les anciens, ils n'invoquaient que Allah dans la difficulté. Et ils savaient qu'il n'y a personne capable de les sauver, sauf excepté Allah Azza wa Jal. Et celui qui regarde les musulmans de notre époque, il voit que ce sens, est valable et bien vérifié chez eux. Et bien vérifié chez eux. C'est pour ça qu'il dit, nous ne prenons pas cette parole de manière générale, mais on doit la comprendre dans ce sens-là. Et on connaît la position également de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, qui, yani dans ses livres et dans ses paroles, quand il parle des associateurs de son époque, yani c'est la même chose. Et même Cheikh Islam, rahimallah Ibn Taymiyyah, dans sa réfutation de Al-Bakri, il ne l'a pas rendu mécréant. Subhanallah, regardez comment ils sont al-Sunnah. Il n'a pas rendu Al-Bakri mécréant. Dans son livre très connu, Al-Istighatha, c'est Rabbi Al-Bakri. Al-Istighatha, dans lequel il a réfuté Al-Bakri. Il n'a pas rendu Al-Bakri mécréant. Alors que Al-Bakri, il rendait Cheikh Islam Ibn Taymiyyah mécréant. Et il considérait que Al-Bakri, malgré que ce soit un homme de science, mais il n'a pas compris le message avec lequel est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas compris correctement la religion de l'islam. Et parmi les paroles connues, il disait, si je dis ce que tu dis, je serai mécréant pour moi. Mais toi, même si tu le dis, tu n'es pas mécréant pour moi. Car je sais ce que tu ne sais pas. Car je sais ce que tu ne sais pas. Ensuite, Cheikh, il a cité l'histoire d'un Cheikh de l'Azhar qui a voulu égarer les gens avec des choubouhats. Il a cité cette histoire et il l'a réfutée. Mais comme le temps et la durée qu'on devait réserver à ce cours est fini, on va s'arrêter sur ça. Alhamdulillah de nous avoir permis de faire cette risala. Je demande à Allah de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable et de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables et de nous accorder la sincérité dans tout ce que nous disons et dans tout ce que nous faisons et qui nous accepte parmi ses serviteurs vertueux et pieux et qui prennent notre âme dans le tawhid pur et sincère et dans la conformité à la sunna de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur la voie de ses nobles compagnons radiyallahu anhum tous. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.